Et vous êtes toujours sur la centrale et ça clique et ça grésille et ça nous titille un petit peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va relancer notre stream pour que on espère en fait que ça va résoudre ce problème. Ça va créer 10 secondes de blanc. Mais on vous propose un petit jeu pendant ces 10 secondes de blanc. C'est que vous pensez très fort à un slogan. Un slogan très offensif, soit un j'accuse, soit autre chose. Et vous nous le mettez sur acentral.org, sur le chat, et on lance un grand jeu de slogans. Et voilà, les 10 secondes de blanc vont commencer dans 3, 2. Ça y est, normalement, on a relancé le stream, donc on espère que ça va être bon. Voilà, donc là c'est relancé. Vous nous entendez dans le passé ou bientôt dans le futur. Les 10 secondes sont passées. Je ne sais pas si le jeu a été bien suivi sur Je suis super central.org. déçue, je vois aucun slogan. Aucun son. Par contre, on a un coup de Oh. téléphone en ligne, c'est Justine qui nous appelle. Alors apparemment on vient de me dire que c'est pas mieux le son, donc je suis désolée. C'est pas forcément mieux. Et on a Justine qui nous appelle de Strasbourg, donc je vais tout de suite voir si on l'entend. Est-ce que Justine, tu nous entends? Moi, je vous entends, ouais. Eh ben nous aussi. Et donc toi tu es à Strasbourg et tu voulais un petit peu nous dire quelle était la situation, enfin, qu'est-ce que tu vois dans ton entourage par rapport à ce qui se passe à Strasbourg? Ouais, effectivement, j'appelais avec l'envie de partager des choses qui se passent ici dans le contexte de l'épidémie. Donc moi, depuis un moment, je participe à des maraudes, donc depuis un an environ. Et du coup, à ce titre, j'ai des contacts réguliers avec des personnes qui sont à la rue et en ce moment, ça bouge beaucoup, et notamment dans les squats. En fait, avant, à Strasbourg, il n'y avait pas de squat. Il y a un an, il n'y avait pas de squat du tout. Il y avait des campements où il y avait beaucoup notamment de demandeurs d'asile, mais pas que, qui vivaient. Et en fait, coup sur coup, il y a eu deux ouvertures de gros lieux qui avaient vocation à faire de l'hébergement. Et qui, à eux deux, avant l'épidémie, rassemblaient au moins 300 personnes. Ces lieux, c'est l'Hôtel de la Rue et Bugatti. Le squat Bugatti. Et en fait, c'est deux lieux qui rassemblent beaucoup de gens et qui n'ont pas originellement vocation à accueillir du monde qui habite, quoi. C'est pas des immeubles d'habitation, notamment Bugatti, dont je vais plus parler, je pense, parce que c'est celui que je connais le mieux. C'est un ancien immeuble de bureau. Du coup, c'est pas du tout propice à la vie, et encore moins à la vie de 150 personnes au Qui sont quotidien. confinés, ouais. Voilà, qui sont confinés, n'en parlons pas. Voilà. Du coup, ouais, c'est des lieux qui sont vraiment des foyers parfaits, disons, pour une contagion, parce qu'il n'y a pas de moyens corrects d'assurer l'hygiène, il y a peu de points d'eau. Il y a, par exemple, dans la cuisine, il y a deux éviers, donc c'est une cuisine qui sert à 150 personnes quand même, donc c'est vraiment très peu. Il n'y a pas de cloison en bonne et due forme. Dans certains endroits, c'est des bâches qui font office de cloison entre les différentes chambres. Enfin, donc voilà, c'est un lieu où c'est quand même assez compliqué de vivre au quotidien. Donc effectivement, le confinement a fait qu'aggraver les choses. Et toi, tu remarques que ça a vraiment fait qu'aggraver. Et est-ce que Ouais. t'as aussi eu, enfin, comment dire? Ouais, vas-y, pardon, En Justine. fait, ça a vraiment beaucoup changé parce que là, par exemple, dans cet endroit, avant l'épidémie, il y avait donc 150 personnes qui vivaient, et aujourd'hui, on a certainement plus que 50. En fait, il y a eu beaucoup de relogements. C'est des relogements qui étaient prévus depuis un moment parce que c'était une certitude, hein, que l'épidémie allait arriver là-bas, et quand ça arriverait, ben, ça se répandrait très très facilement parmi les résidents et les résidentes. C'était prévisible, et donc c'était prévu. Donc il y avait déjà une opération de relogement qui était censée avoir lieu, et seulement donc elle a eu lieu, mais la deuxième semaine du confinement, c'est-à-dire après en fait que des cas étaient effectivement déclaré à l'intérieur du squat. Ouais, Voilà. et donc ça veut dire que toi, ce que tu as remarqué, c'est que ça c'est venu vraiment très tardivement ces mesures-là, et donc ça n'a pas empêché. Il y a eu un cas, c'est ça, de Covid-19 dans un des squats? Donc dans le squad Bugatti, là à ce jour, on sait qu'il y a 15 personnes qui ont été testées positives au Covid-19. Ensuite, tout le monde n'a pas été testé. Il y a eu une opération qui a été menée par Médecins du Monde pour tester les personnes sur place. Et les tests, ils ont concerné que les personnes qui présentaient des symptômes et des fragilités, quoi. Donc en fait, même selon Médecins du Monde, il y a sûrement beaucoup plus de personnes qui ont été atteintes par le Covid-19, mais simplement qui n'ont pas été testées. Il y avait plein de gens qui avaient des symptômes, mais qui n'ont pas été testés parce que voilà, leur état ne présentait pas de gravité. Okay. Et de sujet d'inquiétude. Ouais. Bon. Bah, merci beaucoup Justine d'avoir appelé. Puis bah, t'hésites pas peut-être à nous rappeler la semaine prochaine, on est tous les samedis. Voilà, disponible sur ce numéro 09 50 39 67 59. Et bah merci encore. Super, bonne journée merci à beaucoup Strasbourg. À vous. Bonne journée à tous et toutes. Ça marche.